L'actualité à Nancy et ailleurs. La maison des créateurs, ça se passera les 8 et 9 décembre au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, à l'esplanade de Jacques Baudot. Les 8 et 9 décembre, et bien pour nous présenter ce rendez-vous, nous avons Claire au téléphone. Bonjour. Bonjour Yves. Vous représentez donc Artisans d'art français. Oui, c'est bien ça, qui a été créé en 2017. On expose pour la maison des créateurs, en fait, et c'est la 11e édition. La 11e édition, effectivement, lors de ce week-end. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le rôle de cette association? Elle a pour but de promouvoir l'artisanat français, pour but aussi d'aider des créateurs, des jeunes créateurs à se faire connaître. C'est tous les ans, il y a une exposition. On essaye de faire dans des lieux qui appartiennent aux anciens et ça leur permet en plus de venir voir des créateurs et puis de s'approprier un petit peu des lieux sur Nancy. C'est-à-dire que l'année dernière, c'était au Palais du Gouverneur, ça a été aussi au pavillon Poirel. Et cette année, on aura le plaisir de leur faire découvrir en même temps que l'association, le conseil départemental, qui est un beau lieu d'exposition. La Maison des Créateurs nous ouvre ses portes les 8 et 9 décembre. Et depuis un an, la Maison des Créateurs, c'est aussi une boutique qui est ouverte au centre commercial Saint-Sébastien à Nancy. Oui, c'est la boutique qui, au départ, était éphémère et puis qui vient de fêter ses un an. On est 12 créateurs qui exposons là-bas, donc ça tourne de temps en temps. Les créateurs changent. La boutique reste et les créateurs changent, tournent. Chacun vient exposer un petit peu à son lieu d'exposition. Quel type de création on peut découvrir ? Écoutez, c'est vraiment éclectique, quoi. Ça va d'un maître savonnier, c'est... Abdel, qui est bergassant, qui est à l'origine de ce beau projet. Donc il est là, il nous présente ses savons, mais autrement on a de la céramique, des bijoux, des sacs, de la couture pour les enfants, des fleurs séchées, de la pâte à sel. Il y a vraiment, c'est vraiment très très varié. Oui. Et on accueille les visiteurs tous les jours d'ouverture du centre commercial. Et combien de créateurs pour revenir sur ce week-end des 8 et 9 décembre, donc au conseil départemental. Une cinquantaine de créateurs. Donc là aussi, avec des disciplines très, très variées. Très variées. Ce sera même un peu plus varié qu'à la boutique parce qu'on aura plus de place. Donc on va pouvoir accueillir des couturiers, on va pouvoir accueillir une tapissière, des peintres. Vraiment beaucoup de choses différentes, mais à chaque fois avec comme point commun qu'ils sont français, créateurs, artistes. Il n'y aura pas du tout de Made in China, quoi. Ça va être vraiment de l'artisanat et de l'art français. Une mise en valeur donc des talents locaux notamment, une exposition vente. Est-ce que ça reste accessible et à qui ça s'adresse particulièrement? Ça s'adresse à tout le monde en fait. Ça s'adresse vraiment à tout le monde parce qu'il y a vraiment des choses même pour ceux qui veulent venir voir. Il y aura des belles choses même pour une visite. Et bien sûr, il y a le but de la marché de Noël, c'est de vendre aussi pour faire des cadeaux. Vous pouvez retrouver des cadeaux de Noël à des prix vraiment accessibles. Ça commencera à des tout petits prix, après avec des choses un petit peu plus conséquentes, donc des prix un petit peu plus conséquents. Mais autrement, ce sera vraiment, c'est ouvert à tout le monde et on vous y attend. Et l'entrée est libre, L'entrée est libre. Libre, tout simplement. Donc, il suffit de se rendre à la Maison des Créateurs. Ça se passe les 8 et 9 décembre, de 10h à 19h pour le samedi et de 10h à 18h pour le dimanche au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 48 Esplanade Jacques Baudot à Nancy. C'est en face de la piscine Nancy Thermale pour se repérer. Voilà, c'est bien de le préciser, oui. Eh bien, écoutez, Claire, je vous remercie beaucoup pour tout ça. Je vous remercie aussi. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.